Éternel célibataire, pire qu'une épave, je suis sous terre. La dignité, je n'en ai que faire. Personne ne m'aime et j'en suis fier. Ils ont tous punkettes à leur dos. Fashion, Kyra, ouvre et cajot. Moi, je ne joue que du piano et ne me tape que des vieilles peaux. Je suis seul et je m'emmerde. Je suis seul et je m'emmerde. J'aurais pu fumer de l'herbe, mais je suis seul et je m'emmerde. Il paraît que j'ai tout d'un artiste, tout sauf le talent, ouais c'est triste. J'ai le charisme de bacouliste, mais le ridicule d'un anarchiste. Quand vous m'admirez tôt ou tard, pensant que je suis une œuvre d'art, n'oubliez pas que dans les couloirs, j'aime me faire démonter le pétard. Je suis seul et je m'emmerde, je suis seul et je m'emmerde. J'aurais pu être superbe, mais je suis seul et je m'emmerde. Les seules filles dont je profite sont moches comme moi et aussi tristes. Elles ont des surnoms pathétiques et des cheveux gras comme ma bite. Elles ont une grave polyarthrite, ne sont avec moi que pour le fric. Elles sont pleines de toc et de tic, traînent à l'écu et fument du shit. Je suis seul et je m'emmerde, je suis seul et je m'emmerde, j'aurais pu être un blerbe, mais je suis seul et je m'emmerde. Je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde.